Il était 8h et tous les sémaphores étaient d'accord sur le rouge. Toi tu l'écoutais, elle te regardait à peine. Encore une aventure sous sépulture, un charbon de bois sur un je t'aime. Encore 100 mètres avant le carrefour, 100 mètres à peine. Autrefois tous tes mots, tous ces mots roulaient comme des ballons, des bolides. À présent le silence est lourd comme une bulle vide. Et tu neiges, et tu neiges, et tu neiges. Et tu neiges, et tu neiges, et tu neiges. Et tu neiges, et tu neiges. Quand les lettres brûlent, l'encre bleue des plumes est un souvenir qui décolle. Mais c'est dans l'azur que sont gravées les paroles. Et tu neiges, et tu neiges. Et tu neiges, et tu neiges, et tu neiges, et tu neiges, et tu neiges, et tu neiges. À des kilomètres près de sa fenêtre, venu d'un coin de ton nuage. Un oiseau tout blanc, un goéland, la regarde. Il a les yeux clairs, presque trop sévères, envers la petite qui pleure en face. Alors il se retourne et s'envole dans le ciel de glace.